premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la Bretagne. Demain, nous nous intéresserons à l'histoire locale de la Bretagne entre les années 30 et les années 1950 avec Erwan Le Gall et François Prigent. Mercredi, nous débattrons à l'occasion des 50 ans du Centre de Recherche Bretonne et Celtique de Brest, du parler breton, de son histoire et de la façon dont il a évolué au cours du temps. Jeudi, le documentaire s'intéressera à une entreprise gigantesque, celle de la Vallée des Saints en Bretagne. Et aujourd'hui, eh bien, notre entretien du lundi en ouverture de cette semaine est avec Joël Cornette, historien spécialiste de l'histoire de la Bretagne et des Bretons, mais également qui a dirigé très récemment un ouvrage qui s'intitule « La Bretagne, une histoire mondiale ». Il nous expliquera comment, justement, cette région de France a pu être, à un moment ou à un autre de son histoire, et peut-être à tous les moments de son histoire, une région mondialisée ou en lien avec le reste du monde. Donnez ma destruyenne, ni plan les états courés. Miguel et Vienne, c'était ma marée typée. Donnez ma destruyenne, ni trop mes états courés. Miguel et Vienne, c'était ma marée typée. Donnez ma destruyenne, ni trop mes états courés. Elle est dans les Vienne, elle fait l'état rééquipée. Qu'elle peine de l'histoire, pour pas la copie du tri. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ma billotte ou ce câble ta gamme en même. Les mythes à locataire ou calettes de fond d'arène. Bon, ouais, ma billotte ou ce câble ta gamme en même. Les mythes à locataire ou calettes de fond d'arène. Bon, ouais, ma billotte ou calettes de fond d'arène. Bon, ouais, ma billotte ou calettes de fond d'arène. Bon, David Holland, dans ton tas à vie, les trois. Aïe, aïe, aïe, aïe. Dans des farons par gain. Et on a décidé de déboucher les conduits auditifs de nos auditeurs avec les Ramoneurs de Menhir, Space Galetem, donc un groupe de punk celtique dont ce morceau a été tiré de l'album Brazenock qui est sorti en 2017. Le guitariste Laurent était aussi le guitariste du groupe Les Berruriers Noirs. Bonjour à vous, Joël Cornette, et merci d'être avec nous. Eh bien bonjour et merci à vous de m'inviter. Merci d'ouvrir cette semaine consacrée à l'histoire de la Bretagne dans la série des émissions de la Fabrique de l'Histoire et des séries consacrées aux histoires des régions en France. Et aujourd'hui, donc avec vous, on a peut-être le meilleur spécialiste, vous allez vous récrier, mais le meilleur spécialiste de cette histoire, puisque vous êtes l'auteur de bien des ouvrages sur cette question, très récemment de La Bretagne, une aventure mondiale, on va en parler avec vous, ça vient de paraître chez Talendier, mais auparavant d'un immense succès d'édition qui s'appelait L'histoire de la Bretagne et des Bretons, qu'on peut trouver en collection Point Seuil, en Point Histoire. La Bretagne et les Bretons, ça n'est pas la même chose ? Ça va ensemble, mais c'est différent. Les Bretons, c'est un peuple, la Bretagne, c'est... Voilà, c'est une histoire et c'est une histoire très originale par rapport, je dirais, à la nation France. Et c'est tout le problème d'ailleurs de situer la Bretagne, province actuelle évidemment, par rapport à une possible autonomie, un possible État. Et ça pose le problème évidemment de la cohabitation conflictuelle, difficile, entre guillemets. Alors, est-ce que je peux parler d'État breton ? D'une certaine façon, oui, puisque c'est même le titre d'une grande thèse de Jean-Pierre Hervé. Mmh. Mais évidemment, ça pose le problème par rapport à la nation France, puisque le roi de France a toujours considéré que les Bretons étaient en quelque sorte dominés par la souveraineté du roi de France. Pas trop tiraillé, vous qui êtes par ailleurs historien justement de cette royauté absolue à travers la figure très imposante de Louis XIV, que d'être aussi celui qui, dans une autre partie de sa carrière et de son travail universitaire, est allé chercher dans ses racines bretonnes une autre histoire, qui est une histoire de l'autonomie, une histoire du détachement, alors que l'autre voulait museler d'une absolument, certaine façon. Absolument, je me sens un peu schizophrène quand j'écris sur Louis XIV. On peut écrire Louis XIV à partir de Versailles, évidemment, roi de gloire, roi de guerre. Mais vu du côté de la Bretagne, Louis XIV, c'est pas du tout ça. C'est un roi un peu prédateur. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de revenir sur les rythmes historiques, les grandes séquences. Et le règne de Louis XIV a marqué vraiment une rupture, et une rupture, je dirais, négative dans l'histoire de la Bretagne. Et notamment à partir d'une économie qui a été littéralement cassée. Enfin, j'emploie là un terme très très fort. Mais la révolte des Torébènes, dont on reparlera peut-être, les bonnets rouges de 1675 sont là justement pour manifester par leur violence une rupture. Et une rupture qui a lourdement marqué l'économie, la société et même les pouvoirs en Bretagne. Alors, histoire de la Bretagne et des Bretons, cette Armorique, qui n'était pas encore la Bretagne à l'époque, était peuplée de qui, d'une certaine façon, des Armoricains, par exemple au moment de la conquête de la Gaule par Jules César, qui était sur ce territoire qu'on appelle la Bretagne aujourd'hui. Il y avait des peuples gaulois, différents peuples, et notamment l'un qui a beaucoup marqué, qui est d'ailleurs un peu l'entrée de la Bretagne, qui n'est pas encore la Bretagne, dans l'histoire, c'est Jules César. Et Jules César, qui conquiert la Gaule, et notamment l'Armorique, mène une bataille navale tout à fait intéressante, d'ailleurs importante, contre les Vénètes, dans la région de, on va dire globalement, du Golfe du Morbihan actuel. De Vannes. Voilà, de Vannes, tout simplement. Et cette bataille est tout à fait intéressante parce qu'elle manifeste justement la puissance déjà maritime, commerciale des Bretons. Parce que l'une des originalités sur lesquelles on va beaucoup revenir, c'est que les Bretons finalement sont extravertis par rapport, je dirais, au continent européen. C'est-à-dire que leur projection, c'est la mer. Et la mer, c'est un peu l'ADN. Évidemment, dès qu'on va en Bretagne, la mer est partout, même au cœur de la Bretagne. Mais les relations économiques commerciales, on le sait maintenant, sont extrêmement anciennes. Et d'ailleurs, avant même Jules César, le premier témoignage sur ce qui n'ont pas encore les Bretons, c'est Émile Cohn, qui, en moins 500, évoque les navigations des habitants de cette région à la recherche, par exemple, de l'étain. Donc, il y a déjà là une sorte de commerce tout à fait important qui rend original cet extrême ouest du continent européen. Oui, alors, cette extraversion, d'ailleurs, on peut le raconter sur toute la longue durée de presque 2000 ans ou 3000 ans de l'histoire de la Bretagne telle qu'on la connaît désormais. Cette extraversion, elle ne concerne pas, d'ailleurs, que les bordures côtières, elle concerne aussi le cœur même du territoire, puisque beaucoup plus tard, à l'époque moderne, qui est votre spécialité, Joël Cornette, eh bien, il y aura là des entrepreneurs, qui fabricants de draps, qui exporteront dans toute l'Europe. Et donc, il y a cette idée qu'il n'y a pas deux Bretagnes, il y a des milliers de Bretagnes, mais il n'y a pas deux Bretagnes qui se tourneraient le dos l'une l'autre, une Bretagne rurale qui serait enquistée dans un corps rural, et de l'autre côté, une Bretagne maritime qui serait ouverte à l'étranger. Non, ce que vous expliquez, vous, dans vos ouvrages, c'est qu'il y a cette idée de l'extraversion. Absolument, et une synergie entre l'Armor et l'Arquois. C'est vrai qu'on oppose presque toujours le littoral, qui serait en quelque sorte dynamique économiquement, et puis l'intérieur un peu archaïque. Or, effectivement, vous avez raison d'insister sur l'importance de cet or blanc de la Bretagne qui constitue l'étoile. L'étoile, aussi bien l'étoile très rude de chanvre que l'étoile beaucoup plus fine de lin. Et je prendrai deux exemples. L'étoile de chanvre, allée à Locronan aujourd'hui, un village extraordinaire de pierre du 15e siècle, qui manifeste justement la puissance économique de cette région. Et l'étoile était portée dans une grande partie de l'Europe. Songez que la plupart des voiles des navires, des caravelles qui vont en Amérique, au temps de Christophe Colomb et après, et des galions, eh bien, sont des toiles bretonnes. Et donc là, vous voyez, même si le livre s'appelle, le livre s'appelle une aventure mondiale, on est là dans une sorte de mondialisation par la médiation justement de cette toile qui est exportée un peu partout et qui en dit beaucoup justement sur cette extraversion économique de la Bretagne et de la synergie entre la Bretagne intérieure et la Bretagne extérieure. Et encore aujourd'hui, le Léon contient des marques extrêmement fortes, justement, de cette prospérité économique qui a marqué de longs siècles, 15e, 16e, 17e, puisque même malgré l'intégration de la Bretagne au Royaume de France, il faut attendre, et je reviens sur Louis XIV, il faut attendre l'époque de Colbert, de Louis XIV, pour voir cette économie vraiment remise en question. S'effondrer même d'une certaine façon parce que effectivement il faut s'intégrer dans ce corps français avec une économie qui est déjà très différente de celle qu'on pratique auparavant en Bretagne. Alors si on remonte un peu plus loin, on sait très bien combien le 19e siècle et même peut-être la fin du 18e siècle, un certain romantisme a plongé la Bretagne dans une terre de légendes, de contes, de brumes, de genêts, etc. qui d'une certaine façon font masque ces images-là font masque de la véritable Bretagne que vous avez essayé de redécouvrir avec votre collectif donc chez Talendier, Une aventure mondiale, mais également pour votre livre sur l'histoire de la Bretagne et des Bretons, pour essayer de comprendre la variété, comprendre la subtilité, pourrait-on dire, d'une histoire qui est beaucoup plus complexe que celle qu'on a voulu raconter aux petits Français beaucoup plus tard. Oui, c'est vrai qu'il y a une phrase de Fernand Braudel qui m'impressionne toujours. Tout est à mettre au pluriel. Et le pluriel, je crois, s'impose. Il n'y a pas une Bretagne, mais des Bretagnes. J'évoquais l'Arquat, l'Armor, la complémentarité de l'intérieur et de la mer. Mais je pense que chaque village, chaque paroisse, chaque plou, hein, il y a beaucoup de termes de plou, Plougastel, Plouguerneux, etc. En fait, c'est des identités très fortes, des identités locales qui sont à la fois économiques, sociales et aussi culturelles. Pensez à la diversité des costumes. Là, on n'est pas tout à fait dans le folklorisme. Mais tout de même, c'est costumes expriment une sorte de nationalisme à l'échelle de la paroisse. Voilà, la paroisse est vraiment structurante en Bretagne et peut-être plus qu'ailleurs. Et d'ailleurs, la Renaissance bretonne, ce qu'on appelle la Renaissance bretonne, c'est-à-dire ces enclos, ces églises... qui est un peu plus tardive que la Renaissance dans le reste de l'Europe. Oui, c'est 16e siècle, 16e, 17e, encore une fois jusqu'à Louis XIV. Je radote un petit peu, mais c'est un radotage, je dirais, pédagogique. Eh bien, cette Renaissance à l'échelle des paroisses est tout à fait singulière à l'échelle même de l'Europe. Je crois que c'est la Bretagne, surtout la Bretagne ouest, le pays qui parle breton, c'est vraiment cette renaissance qui singularise vraiment à la fois l'économie, la société et la singularité bretonne. Est-ce qu'il n'est pas plus difficile de travailler, comme vous l'avez fait, sur la Bretagne que sur d'autres régions de France, parce qu'il y a des réinventions successives de tradition, parce qu'il y a eu des périodes où on a remis à jour des traditions très lointaines. Jeudi prochain, dans l'émission de jeudi, nous aurons un documentaire sur la Vallée des Saints, un endroit où on construit, on espère construire des centaines, voire des milliers de statues, justement, entre tradition catholique et autre chose, tradition bretonne. Tout cela, ce sont des réinventions qu'on a pu avoir tout au long de l'histoire qui, là aussi, servent un peu de voile à une histoire qu'il faudrait faire avec des documents, mais on sait combien la mémoire est en concurrence et même en complément de cette histoire. Absolument, il y a un imaginaire, je dirais, qui circule tout au long de l'histoire bretonne. Il suffit de penser à la Table Ronde, au Chevalier de la Table Ronde, à Arthur, à Merlin l'Enchanteur, aller aujourd'hui dans la forêt de Brocéliande, du côté de Paimpont, à Paimpont même, et là vous verrez justement surgir cet imaginaire de forêt enchantée, de fontaine miraculeuse. Donc il y a cet aspect très fort d'une Bretagne, je dirais, enchantée, et qui s'inscrit dans la longue durée, puisque déjà, dès les premiers grands historiens, qui datent de la fin, on pourra en parler, du duché de Bretagne, je pense à Alain Bouchard, Pierre Le Beau, voilà, à la fin du 15e, il y a déjà cet imaginaire. Et cet imaginaire va ressurgir, vous l'évoquez, au 19e siècle, par une sorte de romantisme qui va s'accrocher à la Bretagne et en faire vraiment une terre de légende, une terre de tradition. Et je pense, et là il y a une publication tout à fait importante qui symbolise, plus que symbolise, qui marque justement qui est un marqueur éditorial, c'est le Barzaz Breiz de Ersart de la Ville Marquée, dans les années 1840, qui vraiment remet, je dirais, à l'échelle de l'Europe cet imaginaire breton, en publiant des guerzios, c'est-à-dire ces chants qui était véhiculé de génération en génération et qui raconte finalement toute une histoire mêlée de vrai et de faux, d'imaginaire et de réalité. Et d'ailleurs, George Sand d'ailleurs dira, mais voilà, nous avons Homère, c'est pas la peine d'aller en Grèce, il suffit d'aller en Bretagne, et en Bretagne, on a notre Iliade, on a notre Odyssée à travers cette tradition d'un imaginaire chanté, récité dans les villages, dans les hameaux, dans les veillées, sur les marchés. Et ça, c'est tout à fait important, je crois. Alors, il y a dans ces images qui se sont construites au fur et à mesure du temps, cette idée qu'il y a là, puisque c'est le bout du continent, un peuple hirsute, un peuple barbare, rétif à toute autorité, qui va évidemment à l'encontre de ce que l'on sait de l'histoire de la Bretagne, parce que c'est un peuple qui s'est gouverné, qui a même été très administré à une certaine période. On en parlera dans un instant avec vous, Joël Cornette. Qu'est-ce qu'il y a comme texte qui nous dit justement que dès très tôt dans l'histoire des chroniques, par exemple, eh bien on a considéré qu'on avait là des personnages très particuliers, et qui étaient différents des autres du continent. Tout à fait. J'ai presque envie de vous lire ce qu'on appellerait une tête de série. Vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est un un texte écrit par Hermode Lenoir. Alors Hermode Lenoir, ça dit pas grand-chose, je crois, à nos auditeurs, mais c'est un ecclésiastique qui écrivait au IXe siècle, à l'époque de Louis le Débonnaire, qui était le fils de Charlemagne, et il a écrit un long poème qui s'appelle « Les faits et gestes de Louis le Pieux », qui raconte justement ce que sont les Bretons. Et j'ai envie de vous le lire parce que ce texte, c'est vraiment la tête de série de toute une série de stéréotypes qui vont circuler, je dirais, jusqu'à pratiquement aujourd'hui, je pense au titre du livre de Jean Roux, fils de Plouc. Voilà, écoutez, Il faut lire, si vous n'avez pas lu encore les deux tomes de l'histoire de Jean Roux, qui est une histoire incroyable. En 2005. Hein, en 2005, paru, faut absolument lire. Alors, je vous lis ce texte d'Hermode Lenoir. Vous allez voir, c'est étonnant. Voici les Bretons vus au IXe siècle. Cette nation trompeuse et superbe s'est montrée jusqu'ici rebelle et sans bonté. Dans sa perfidie, le Breton ne conserve du chrétien que le nom, les œuvres, le culte, la foi, il n'en est point chez lui. Les orphelins, les veuves, les églises n'ont rien à attendre de sa charité. Chez ce peuple, le frère et la sœur vivent dans une infâme union. Le frère enlève la femme de son frère. Tous s'abandonnent à l'inceste et nul ne recule devant aucun crime. Ils habitent les bois, n'ont d'autre retraite que les cavernes et mettent leur bonheur à vivre de rapines comme des bêtes féroces. La justice n'est parmi eux l'objet d'aucun culte et ils ont repoussé loin d'eux toute idée de juste et d'injuste. Murmant est leur roi, si cependant on peut appeler roi celui dont la volonté ne décide de rien. Voilà. Vous voyez, une accumulation extraordinaire de stéréotypes. Donc un peuple anarchiste, absolument anarchique, qui d'ailleurs précède la vision qu'on peut avoir d'Astérix et d'Obélix, donc indomptable et anarchique, qui ne supporte pas l'autorité d'une certaine façon. Absolument. Et qui vit de façon sauvage dans les forêts profondes de Bretagne ou dans des cavernes en l'occurrence. Mais néanmoins, ce que raconte en l'occurrence ce chroniqueur du temps de Louis le Pieux, au IXe siècle, ce chroniqueur, il ne mentionne pas que ces Bretons sont devenus Bretons. C'est-à-dire qu'il y a des Bretons là où il y avait auparavant des Armoricains. Et qu'entre ce qu'on disait tout à l'heure de Jules César et de ce nouvel empereur qu'a été Charlemagne, eh bien, il y a eu un changement de population considérable. Absolument, et ce changement, c'est l'arrivée, à vrai dire, des grands Bretons vers la petite Bretagne. Alors évidemment, les historiens sont partagés, on a peu de sources, peu de documents, donc beaucoup de controverses, mais on sait qu'entre le, je dirais, 3e et 6e siècle, il y a un flux assez régulier de population qui vient de Bretagne et qui vont constituer véritablement la Bretagne. D'ailleurs, les premières mentions de la Bretagne en tant qu'entité à la fois géographique et géopolitique apparaissent au VIe siècle en gros. Et justement, si le texte d'Hermode Lenoir est si négatif, c'est parce que ces Bretons sont des résistants. C'est que justement, ils résistent à la tutelle des Francs. Et voilà le début de l'ADN de la Bretagne, c'est-à-dire une histoire de résistance finalement. L'histoire de la fondation d'un véritable État. Et cet État, on peut en lire les linéaments, si je peux dire, depuis le 7e, 8e siècle, depuis en gros Nominoé, qui fut à l'origine une sorte d'envoyé de l'empereur, de représentant de Missi Domini, c'est comme de l'empereur, mais qui très vite, enfin assez vite, est devenu pratiquement indépendant. Mmh. Et c'est de là, d'ailleurs Nominoé, c'est à la fois quelqu'un de réel, mais aussi une sorte de mythe, enfin de mythe fondateur de la Bretagne en tant qu'État. Et ce mythe fondateur et cet État va perdurer longtemps, puisque jusqu'à Anne de Bretagne, en fait, hein, puisque la dernière duchesse de la Bretagne, c'est Anne qui est une autre figure mythique. Je veux dire, c'est un peu notre Louis XIV, enfin, pour reprendre une sorte de grand marronnier, la Anne de Bretagne, personnage réel mais aussi mythique, qui est tout à fait important, évidemment, à la charnière du Moyen-Âge et des temps modernes. Alors pourtant, ils ne sont pas si différents des autres qui peuplent cet Ouest européen à ce moment-là. Ils sont christianisés, mais christianisés de façon différente, avec des pratiques et des rituels qui sont peut-être étranges pour certains de ceux qui les observent de loin. Donc il y a ces populations de saints qui peuvent être d'anciens chefs militaires qui sont devenus des saints d'une certaine façon. Et il y a donc un regard porté sur cette autonomie, cette volonté de résistance, comme vous le disiez, Joël Cornette, à cette domination franque qui est permanente. Parce qu'en fait, au bout du compte, ils vont mettre la pilée à certains des souverains francs qui ne vont pas réussir à conquérir à ce moment-là la Bretagne. Et justement, les Francs ne sont jamais parvenus à la suggestion de la Bretagne, si je puis dire. Et donc la Bretagne a été vraiment indépendante aux grandes dames, si je puis dire, des rois de France, puisque l'histoire recommence au XIIe, XIIIe siècle. La construction de l'État, de futur État absolu, carolingien, puis capétien, mais la Bretagne résiste. Et d'ailleurs, Louis XI aura toujours cette image intéressante. D'ailleurs, il y a deux cornes qui le gênent dans la construction de la nation France. La Bourgogne d'un côté, et c'est Charles le Téméraire qui est écrasé, comme on sait. Et puis les Bretons, ils ne supportent pas justement cette autonomie, cette souveraineté. Ça, c'est Louis XI. C'est Louis XI. Mais là, vous voyez, je fais un grand saut, mais on peut le faire, je dirais, sans contradiction, du 7e siècle au 15e siècle. Alors, qu'est-ce que le Trobriis et en quoi il nous dit quelque chose, Joël Cornette, puisqu'il y a un chapitre consacré dans votre livre collectif que vous avez dirigé chez Talendier, Une aventure mondiale, la Bretagne. Il y a un chapitre sur ce Trobriis qui dit quelque chose justement de cette identité, en particulier religieuse bretonne. Voilà, le Trobriis, c'est les saints fondateurs de la Bretagne. Alors, ces saints fondateurs, je dirais, ils sont pas très catholiques. Hein. Saint Paul de Léon, par exemple, je donne un exemple, ils sont sept. Et le Trobriis, c'est un pèlerinage qui fait le tour de la Bretagne. Et oui, c'est assez intéressant parce que ça donne une sorte d'auréole de sacralité au territoire même de la Bretagne. Parce qu'on n'a pas encore évoqué ce point qui est tout à fait intéressant, c'est que de toutes les provinces de France, la Bretagne est sans doute la région où les frontières sont restées pratiquement inchangées pendant un millénaire. C'est-à-dire que pratiquement du 8e siècle, pratiquement jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à, on pourra en parler aussi, l'amputation de Nantes, voilà. C'est 1941, voilà, 1944. Voilà. Ouais. J'oserais dire que du 8e siècle jusqu'en 1941, les frontières de la Bretagne sont restées intangibles. Et le Trobriis, cette espèce de, je dirais, de cercle enchanté géographique, qui est un pèlerinage sacral et politique qui, justement, authentifie l'originalité de la Bretagne à travers ces sept saints qui sont en fait les envahisseurs bretons de Grande-Bretagne, mais qui ont été érigés en saints. Oui, et ce qui est très intéressant tout de même, Joël Cornette, c'est que ce cercle, si on a tenté de faire entrer l'hexagone, la France dans un hexagone, le cercle est devenu pour beaucoup des historiens, et très tôt des historiens de la Bretagne, comme étant une sorte de forme, pourrait-on dire, qui pourrait englober l'ensemble de ce territoire breton. Quand on voit la péninsule bretonne, on ne pense pas à un cercle, mais au 14e ou au 15e siècle, on pensait à un cercle. Tout à fait. Il y a d'ailleurs l'image de la tête d'un moine, vous voyez. C'est-à-dire que je pense que c'est au 17e siècle que j'ai trouvé cette comparaison tout à fait étonnante. La Bretagne ressemble à la tête d'un moine, la tonsure, vous voyez. C'est-à-dire donc, vous faites le tour là et vous avez le crâne visible, ce serait la Bretagne d'une certaine façon. Donc vous voyez, d'une certaine façon, la Bretagne c'est une sorte de centre du monde. Empire du milieu d'ailleurs, c'est un terme qui revient d'ailleurs au 16e siècle par un contemporain donc de la Ligue. Et c'est vrai que si on fait une carte de l'Europe, non plus à partir de la France, c'est-à-dire qu'on mentalement on voit la France, Paris au centre, mais inversons et mettons la Bretagne au centre, eh ben on verra une sorte de grand arc atlantique qui va de l'Irlande jusqu'au Portugal, et là la Bretagne occupe une position absolument centrale. Oui, l'idée de cercle est d'ailleurs valorisée, dites-vous, dans votre ouvrage par Pierre Lebeau, qui est aumônier d'Anne de Bretagne, rédacteur de la seconde version de ses chroniques et histoire des Bretons. C'est à la fin du 15e siècle, donc au moment où la Bretagne va entrer dans l'orbite française définitivement, et néanmoins lui, il veut absolument voir cette Bretagne comme un cercle, et c'est comme ça qu'il va le transmettre à ses successeurs, historiens et chroniqueurs. C'est intéressant d'ailleurs que cette histoire de la Bretagne naisse au 15e siècle, à l'époque où elle est confisquée ou absorbée par la France. Comme si la mémoire était absolument nécessaire pour revivifier la Bretagne au moment où elle disparaît. Vous écoutez France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Un titre de Dan Arbraz, Evita Arbraz, un titre de 1997 dans notre émission donc consacrée à l'histoire de la Bretagne avec un des grands historiens de la Bretagne, Joël Cornette, pour son dernier livre collectif qu'il a dirigé chez Talendier, La Bretagne, une aventure mondiale, mais également pour tous ses autres ouvrages ou encore le numéro spécial des collections de l'histoire très récent qui s'appelle La Bretagne, une aventure mondiale. Donc, puisque cette question de la mondialité de la Bretagne est au cœur de vos propres travaux d'historien, Joël Cornette. Alors, tout de même, on a évoqué ces moments un peu flous où la documentation n'est pas totalement rassemblée pour permettre à l'historien de faire son travail. Ce 6e, 7e, 8e siècle, on n'a pas grand-chose. On a des choses, mais on n'a pas grand-chose. On a des chroniqueurs et des vite-saints essentiellement, voilà. Mais c'est évidemment très limité. Et puis, ensuite, on peut raconter à partir de ce moment où ces confrontations, en particulier avec l'Empire de Charlemagne, sont importantes. On peut raconter l'existence de rois. Il n'y aura pas de roi de Bretagne plus tard, mais il y aura des ducs. Mais à cette époque-là, on imagine qu'il y a des rois, des personnages qui, en tout cas, se réclament comme tels, avec une langue, une religion différente, on l'a dit, avec un rituel différent, et puis la résistance d'hégémonie vis-à-vis de l'hégémonie possible des Francs. Est-ce qu'il y a une unité territoriale, une stabilité territoriale dans ces époques du 9e, 10e siècle, Joël Cornette? Oui, je soulignais ce fait que effectivement, la frontière, entre guillemets, enfin frontière un peu floue, entre la Bretagne et le Royaume de France est restée pratiquement identique dans une très longue durée, hein, du 8e, 9e siècle jusqu'en 1941. Et ça a été renforcé à l'époque des ducs, vous évoquiez le duché de Bretagne. Il y a vraiment, je dirais, ce que j'appellerais le siècle d'or des ducs, qui s'étend de 1365 en gros jusqu'en 1488. Alors ces ducs, ils s'installent comme ducs de Bretagne, oui, aux alentours du 10e siècle. C'est oui, ça, on commence à les voir apparaître au 12e, c'est que dans 12e, le 13e siècle. Voilà, le premier, voilà, qui prend le titre de duc. Tout à fait. Mais disons, la grande période, on est encore dans une période, disons, de féodalité, où le pouvoir du duc est limité. Mais la grande période, c'est vraiment le 14e et 15e siècle. De Jean de Montfort, qui est le vainqueur d'une guerre civile qui a eu lieu dans les années 1340, jusqu'à la chute, à vrai dire, de la Bretagne, qui est une chute militaire, c'est-à-dire la défaite de Saint-Aubin du Cormier en 1488, qui voit l'armée bretonne défaite par l'armée française. Mais je précise que c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer, puisque la Bretagne, par rapport à la France, c'est un rapport de 1 à 10. La France, évidemment, c'est 10 fois plus de puissance, 10 fois plus d'argent, une armée beaucoup plus considérable. Et donc, évidemment, les Bretons ne font pas le poids face à ce puissant voisin. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a tout de même de l'ambiguïté dans ce rapport de cette péninsule bretonne à la France, puisque vous expliquez, et vous n'êtes pas dans une histoire monolithique, sans faire de jeu de mots, de la Bretagne, Joël Cornette, mais en l'occurrence, vous expliquez bien combien les liens sont présents, combien, pendant la guerre de Cent Ans, les mercenaires ou les nobles bretons vont mettre leurs armes au service du roi de France, donc que ce n'est pas simplement une domination, qu'il y a une coopération. Absolument. Et donc, qu'il y a donc des liens en permanence. Par exemple, la langue pratiquée dans cette cour des ducs de Bretagne, qui est le français, en fait. C'est le français, absolument. Jean Kervé insiste dans sa thèse sur l'État breton, sur le fait qu'il n'a trouvé aucune source en breton. Il y a vraiment une francisation, y compris des techniques de pouvoir, d'autorité, d'administration. Et vous avez raison d'insister sur les liaisons, je dirais, presque féodales, entre les grands nobles bretons et l'État français. Il y a une sorte de conflit de fidélité, finalement, entre le roi de France et le duc de Bretagne. Et j'oserais dire que, alors, est-ce qu'on peut parler de trahison? Mais une des raisons, disons, de la défaite de l'État breton par rapport à la nation France, eh bien, ça a été que beaucoup de grands nobles bretons ont, d'une certaine manière, Ils ont choisi la France. Alors, peut-on parler de trahison? À cette époque, la notion de nation est évidemment extrêmement embryonnaire. Et vous expliquez que la fidélité à cette époque-là s'achète, qu'elle Absolument, se revend, qu'elle n'est pas définitive, même si on est dans un État qui sort de l État féodal. Tout à fait. Songez qu'à peu près au même moment, le connétable de Bourbon, par exemple, passe du côté de Charles Quint, estimant qu'il a été trahi dans sa fidélité par François Ier, qui a capturé ses domaines. Donc on peut passer, si vous voulez, d'un suzerain à un autre, et beaucoup de nobles bretons ont vu leur intérêt dans la suzeraineté du roi de France plutôt que dans la souveraineté du duc. Et ça, ça a été un des éléments justement de la défaite de la Bretagne. Ce grand siècle des ducs que vous, sur lequel vous insistez dans vos travaux, Joël Cornette, qui dure de 1350-65 au milieu du XIVe siècle, oui, jusqu'à Anne de Bretagne, c'est-à-dire à la fin du XVe siècle. Ce grand siècle des ducs, il est marqué aussi par la construction ou la constitution de ce que certains ont voulu appeler, et vous-même vous le reprenez le terme, même en le mettant entre guillemets, un État breton. C'est-à-dire avec cette idée que on est duc, on n'est pas roi, mais qu'en étant duc, on peut développer l'économie, monter une administration extrêmement efficace, avoir des finances saines qui permettent de tenir son territoire et également participer à des opérations militaires extérieures. Tout à fait. Et les ducs de Bretagne ont tenu justement à cette indépendance et cette autonomie. Je prendrai deux exemples. Le premier exemple, c'est le refus de ce qu'on appelle l'hommage lige. Nous sommes évidemment en territoire de féodalité et l'hommage lige, c'est l'obéissance que doit un vassal à son suzerain. Se mettre à genoux, faire des gestes très précis. Les ducs de Bretagne ont toujours refusé. Et ils font un hommage simple pour bien montrer presque l'égalité, si je puis dire, entre le roi de France et le duc. Et c'est pour ça que vous m'avez transmis un monument donc à l'arrivée de la Bretagne dans la France avec Anne de Bretagne qui s'agenouille devant le roi de France et qui a été ensuite donc explosé, ce monument, dans les années 1930 par des autonomistes ou la société secrète Gwenadu qui l'a fait sauter parce que justement la reine de Bretagne était à genoux. La duchesse de Bretagne était à genoux devant le roi de France. À genoux devant le roi de France, Charles VIII, et ce monument a été explosé, effectivement. Il était à Rennes, et ça a été vraiment le premier attentat autonomiste manifestant. 1932. Et je suggérais un deuxième exemple pour bien montrer l'autonomie des ducs de Bretagne, c'est leur sac et leur couronnement. Et ça, c'est très fort. À Rennes. À Rennes, absolument. C'est-à-dire, il y a presque une duplication du sacre des rois de France à Reims, par le sacre et le couronnement à Rennes. Et donc, évidemment, ils reçoivent l'onction, ils sont élus de Dieu d'une certaine manière, et c'est évidemment une sacralité très très forte qui renforce leur souveraineté et leur désir d'autonomie par rapport au roi de France. Vous qui êtes un grand spécialiste justement de cette sacralité des rois de France, vous avez pu le voir s'appliquer plus tôt, justement dans ces années du XVe siècle en particulier, avec un duc qui refuse par exemple l'ordre royal de Saint-Michel, qui lui est offert par Louis XI en 1469, parce qu'il comprend que s'il accepte cela, bien il se met dans les mains du roi de France. Absolument, il devient un féodal, si je puis dire, récompensé par son roi, alors qu'en Bretagne, il y a un ordre de chevalerie, l'ordre de l'Hermine. Et donc, il estime qu'il n'a aucune raison d'adhérer à un ordre de chevalerie franco-français, alors que la Bretagne a tous les éléments d'un État parfaitement souverain. Des ambassadeurs ? Des ambassadeurs, des traités qui sont signés. Il y a un ambassadeur à Rome, et d'ailleurs, le Vatican et le pape a reconnu très très longtemps l'autonomie, la souveraineté, l'indépendance de la Bretagne par rapport à tous les autres États. Et j'ose dire qu'en ce XVe siècle, alors il ne s'agit pas de refaire l'histoire évidemment, mais nous sommes au début de la naissance de l'État absolu d'une certaine manière. Regardez, c'est le cas en Espagne, en Angleterre, en France évidemment, et la Bretagne aurait pu d'une certaine manière être l'équivalent d'un Portugal ou d'une Suède. Le problème, c'est, je dirais, la trop grande puissance du voisin franco-français. Et donc évidemment, la Bretagne était absorbée, je dirais, peut-être en raison tout simplement de sa localisation géographique. Et puis avec un voisin qui lorgnait depuis bien longtemps péninsule bretonne. Oh, quelle est belle ma Bretagne, sous son ciel gris, il faut la voir. Elle est plus belle que l'Espagne, qui ne s'éveille que le soir. Elle est plus belle que Venise, qui mire son front dans les eaux. Il est doux de sentir la brise qui vient du large avec les flots. La brise qui vient du large avec les flots. Si Venise la belle d'immenses lagunes, des masques de velours, des poignards, des palais. Bretagne, n'as-tu pas tes paysannes brunes et tes fils chevelus et tes champs de genêts? Oh, qu'elle est belle, ma Bretagne, sous son ciel gris, il faut la voir. Elle est plus belle que l'Espagne, qui ne s'éveille que le soir. Elle est plus belle que Venise, qui mire son front dans les eaux. Elle est plus belle que Venise, qui mire son front dans les eaux. Jean Raphaël, une chanson de 1938, chantée également par Tino Rossi, interprétée ici par Jean Raphaël. On est avec vous, Joël Cornette. Et si j'ai choisi parmi tous les titres qui ont été sortis de la discothèque de Radio France par Séverine Cathard, ce titre-là, Venise et Bretagne, c'est non seulement parce que ça me rappelait les banquets de communion quand j'étais petit, parce qu'on chantait ces chansons-là, mais également parce que on la compare à Venise. Et vous-même, dans votre livre, vous comparez la Bretagne à Venise en vous posant la question de savoir si, tout compte fait, il n'y avait pas dans cet état breton de la fin du XVe siècle la potentialité d'avoir une fortune à peu près semblable. Vous dites le budget de cet état breton, c'est 9 tonnes d'argent, tandis que Venise est à peu près la même chose à la même époque. C'est bien plus que la Navarre, bien plus que d'autres états européens de la même époque, comme la Bavière, bien moins que le grand voisin français. Eh oui, bien moins, rapport de 1 à 10. Mais c'est vrai que ce rapport Bretagne-Venise est intéressant, puisque certains ont pensé quand même les Vénètes, vous voyez leur nom, sont assez proches des Vénitiens. Alors c'est un peu là aussi un imaginaire. Oui, c'est de l'invention langagière. Voilà, c'est aller chercher très très loin. Mais enfin, voilà, c'est on évoquait cet imaginaire qui recouvre l'histoire réelle de la Bretagne, mais les deux sont conjoints d'une certaine manière. Alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que dans ce 15e siècle, on voit naître aussi le premier dictionnaire en breton, latin, français. C'est le Catholicon de Jean Lagadoc. Absolument, en 1460. Oui. Et on se dit, tout compte fait, voilà une langue qui ne s'écrit pas. Et en revanche, on en trouve une transcription sous forme de dictionnaire au milieu du 15e siècle. Mais oui, le breton aurait pu avoir un destin autre. C'est vrai que c'est une langue orale avec peu d'écriture. Il faudra vraiment attendre le 19e siècle pour voir vraiment le breton érigé vraiment en langue importante, hein. Parce que le problème du breton, c'est que il a subi, la tutelle du français. Parce que parallèlement à la souveraineté française, militaire, revendiquée, affichée, renforcée au temps de Louis XIV, il y a le rapport à la langue. C'est-à-dire la lutte contre la langue identifiée, je cite le texte d'Hermol Lenoir, à l'obscurantisme. D'ailleurs, il y a un célèbre, terrible discours de Barère à la Convention qui assimile le breton, justement, aux ignorants, à un catholicisme réactionnaire, et donc il faut absolument éliminer le breton. Et ça, c'est inscrit dans la longue durée, et il faudra attendre une véritable révolution, la révolution des années 68. Et là, c'est très très important, 68 en Bretagne. 68 au sens large, c'est pas l'année 68, c'est les années 68. Ouais, d'ailleurs, Ludivine Montigny, dans son dernier livre, rappelle que c'est plutôt du côté de la Bretagne que ça commence, absolument, en 1967. Tout à fait, du côté de Nantes et Saint-Nazaire, plus précisément. Sud-Aviation. Mais à propos de la langue, c'est très important, parce que là, il y a un véritable bouleversement. Et ce bouleversement, il est, sacralisé par un livre qui s'appelle « Le cheval d'orgueil » de Pierre-Jacques Elias, qui redonne aux Bretons et à la bretonnité une fierté qu'elle avait perdue pratiquement depuis des siècles. Oui, une fierté d'ailleurs qui se traduit dans le nombre de ventes de ce très grand livre qu'est « Le cheval d'orgueil », mais aussi de ce qu'il y a à l'intérieur, puisque il rappelle, Pierre-Jacques Elias, que son grand-père lui disait que quand on était pauvre comme un breton, il fallait garder l'honneur. Absolument. C'était cela qui était la valeur suprême. Et c'est ça le cheval d'orgueil. C'est l'orgueil de l'honneur, et ça c'est intouchable en quelque sorte par rapport à ceux qui voudraient supprimer justement ces bretons qui n'auraient pas droit à la parole. Pensez à l'image même de Bécassine. On n'a pas encore évoqué Bécassine. Ah bah non, mais non, Bécassine, c'est une sorte de stéréotype de la Bretagne. Mais regardez Bécassine, elle est dessinée sans bouche. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas le droit à la parole. Elle est née au clocher des Bécasses, enfin vraiment. Et justement, d'ailleurs, les auteurs de slogans dans les années 70, avant de récuser complètement la figure de Bécassine, l'emploient et la font parler. On la voit dans des manifestations qui tend le poing en l'air pour pouvoir contester le pouvoir central de la France. Il y a même une affiche de l'extrême gauche où on voit Bécassine vraiment, vraiment femme, avec une poitrine engagée, avec une bouche ouverte et qui gueule et qui crie et qui est justement le symbole. On est aussi dans les années 70. Donc il y a eu vraiment un renouveau là. Vous avez d'ailleurs donné beaucoup d'éléments chantés, très offensifs d'ailleurs. En breton. Et là aussi, ça participe de cette véritable révolution culturelle qui atteint la Bretagne dans les années 70. Alors c'est d'ailleurs un point sur lequel je voulais insister avec vous, Joël Cornette. Vous êtes l'auteur, par exemple, au Centre d'Histoire de Bretagne, de La Bretagne révoltée de 1675 et de 2013, Colère rouge et concordance des temps. On voit le clin d'œil à Jean-Noël Jeannet, à son émission sur France Culture. Vous êtes spécialiste de ces questions de la période de l'époque moderne. Ces révoltes se développent dans cet espace breton. Et il y a toujours cet aller-retour, pourrait-on dire, entre centralité parisienne, centralité française, ou versaillaise en l'occurrence, et cette périphérie pour le Royaume de France, qui est la Bretagne. La volonté de mettre ou pas cette région, de lui supprimer son administration très rapidement, dès le rattachement de la Bretagne à la France, sous Anne de Bretagne, et de faire en sorte que ça soit une tutelle plutôt qu'une liberté qu'elle aurait conservée. Mais en même temps, il y a les révoltes. Oui, et les révoltes justement expriment l'agression, c'est-à-dire que l'ADN, l'unité, la concordance de temps justement des révoltes bretonnes, c'est à chaque fois que les Bretons s'estiment lésés dans leur identité très forte. C'était le cas en 1675, c'est une série de taxes voulues par Colbert pour financer notamment la guerre de Hollande, ont, je l'ai déjà dit, cassé d'une certaine manière l'économie extravertie de la Bretagne. Et c'est encore le cas en 2013, puisqu'on sait que c'est l'écotaxe, c'est-à-dire cette taxe sur les transports notamment c'était le cas en 1960, 61, 62, 63 avec la révolte des paysans bretons tout à fait. Autour de l'Alexis Gorodec. Et les bonnets rouges d'aujourd'hui ont aussi à voir, enfin les bonnets rouges et les gilets jaunes plutôt, mais ça rappelle aussi les bonnets rouges de 2013. Donc vous voyez, il y a vraiment dans la très longue durée cette espèce de répétition de tout ce qui est conçu comme une agression. Par rapport à la Bretagne. Parce que Bertrand d'Argentrée, auteur d'une histoire de la Bretagne, dit au moment de François Ier, le roi de France est un grand roi qui ne souffrira jamais cet angle de pays en repos s'il n'en est seigneur irrévocable. Et c'est peut-être aussi cela qui fait que les Bretons sont aussi opposé à cette volonté de tutelle française. Absolument, cette tutelle a été sacralisée, effectivement, vous avez raison de parler de François Ier, on a évoqué Saint-Aubin du Cormier qui est la défaite militaire, ensuite c'est suivi du mariage forcé d'Anne de Bretagne qui devient reine de France, double reine d'ailleurs, avec Charles VIII et Louis XII, mais le troisième acte de l'annexion forcée de la Bretagne à la France, c'est effectivement François Ier qui le scelle par une sorte de texte. Alors, les historiens hésitent, est-ce que c'est un traité, est-ce que c'est un accord? En tout cas, ça se fait à Vannes, en 1532, et c'est un accord juridique extrêmement important qui, en quelque sorte, unit la Bretagne à la France par la médiation des États. C'est-à-dire que le coup de force de François Ier, c'est d'avoir réussi à faire que ce soit les États de Bretagne qui réclament eux-mêmes leur annexion à la France. Mais ça, c'était très fort. Mais il a obtenu par de l'argent. C'est-à-dire qu'il a financé, il y a une corruption, en fait, des députés qui ont été achetés pour qu'ils obéissent au roi, finalement, et acceptent la tutelle définitive de la France. Et là, la Bretagne devient province du Royaume de France en 1532. Oui, mais ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il y a toujours cette question que vous posez tout au long de vos travaux de la fidélité. À qui est-on fidèle quand on est noble breton, par exemple, etc. Oui. Et vous expliquez bien que à partir de ce moment-là, du rattachement et définitif à la France, de la Bretagne devenant province du Royaume de France, eh bien, on a des ascensions sociales merveilleuses pour ceux qui jouent le jeu, tout pour ceux qui, comme les grands nobles comme Rohan ou encore la Trémouille, vont accepté de rentrer dans cette administration royale, dans cette cour royale, et qu'il y aura tout un tas de gens, même des petits seigneurs, qui vont profiter de l'administration civile de ce royaume de France pour pouvoir avoir des carrières. Alors on casse d'un côté, dites-vous, avec Louis XIV, mais pendant un siècle, absolument, entre François Ier et Louis XIV, il y a une... Voilà, une... il ne faut pas lier l'annexion de la Bretagne à un déclin économique. C'est une vision vraiment, je dirais, partielle et fausse de la réalité. La prospérité économique de la Bretagne continue vraiment jusqu'au XVIIe siècle. Les grandes périodes du commerce, du textile, du vin qui est transporté de Bordeaux en Angleterre par les Bretons sont vraiment les rouliers des mers au XVe, XVIe, XVIIe siècle. Et encore une fois, j'ai l'air de radoter, mais c'est un radotage pédagogique, c'est l'époque de Louis XIV qui a vraiment presque anéanti une grande partie de l'économie bretonne. Et on peut dire que la Bretagne va traverser des siècles gris, j'oserais presque dire jusqu'aux années 1950. C'est-à-dire le XVIIIe siècle, les Lumières, ça ne touche pas la Bretagne. La Bretagne est même en déclin démographique au XVIIIe siècle. Le XIXe siècle, c'est aussi un siècle gris. Hein. Je pensais à Bécassine, beaucoup d'exil, beaucoup d'immigration bretonne. Il faudra attendre vraiment le Célib, c'est-à-dire la grande révolution verte et économique d'ailleurs des années 1950 pour voir vraiment la Bretagne renaître. Alors, parlez-nous justement dans ces siècles qui précèdent les siècles gris dont vous venez de parler, Joël Cornet, de ces Jules Oled. Oui, Jules Oled. Alors, c'est très intéressant. C'est une thèse de Louis Leguette, qui est un historien, parce que il faut aussi dire que l'histoire de la Bretagne a été complètement réécrite par des thèses extrêmement importantes à Brest, à Rennes, à Nantes. Et je pense à cette thèse de Louis Leguette qui est consacrée justement aux Jules Oled, qui sont, comment dire, des marchands bourgeois, mais paysans, qui ont de grandes propriétés. Des entrepreneurs. Des entrepreneurs, qui ont des grosses fermes. Comme on en connaîtra au XXe siècle, à la deuxième voilà, moitié du XXe siècle. Absolument. Et ce sont eux qui animent à la fois la prospérité, je dirais, agricole, mais aussi économique du Léon, c'est-à-dire tout ce Finistère Nord, en gros de Plougastel jusqu'à Saint-Paul-de-Léon. Et là, justement, on a une renaissance bretonne extraordinaire avec des clochers très hauts. D'ailleurs, il y a une sorte de concurrence des villages l'un par rapport à l'autre, à qui aura son plus haut clocher. Donc, vraiment, on est dans un nationalisme la paroissial, mais ces Jules Oled sont riches, ils sont lettrés, ils sont commerçants, ils gagnent de l'argent, et donc ils animent d'une certaine façon cette prospérité bretonne qui dure trois siècles. Et donc qui est cassé, vous l'avez dit, donc par et qui s'arrête au temps de Louis XIV. Par Louis XIV, que vous détestez autant que vous aimez, parce qu'au bout du compte, vous avez les disons, deux aspects. Il y a ni détestation ni amour. J'essaie, disons, du côté de Versailles, du côté de la Bretagne, donner à ce roi, bon, disons la réalité de à la fois son autorité et des effets de son autorité. Et tout de suite après la mort de Louis XIV, il y a la révolte du marquis de Pontcallec. Oui. 1720 contre le régent, et là encore une mise au pas, expliquez-vous, qui correspond d'ailleurs à ce que le commandant en chef de la province expliquait à monsieur de La Vrillière à propos d'Anne de Bretagne en 1718, deux ans avant la révolte donc de ces marquis bretons, disant qu'Anne de Bretagne était l'idole de la Bretagne, voilà. C'est-à-dire avec cette idée que quand on est dans une situation difficile, on va chercher dans le passé un personnage, en l'occurrence Anne de Bretagne, qu'on part de toutes les qualités, une sorte de sainte que voilà. L'on transporte avec c'est soi. C'est ça qui est fascinant d'Anne de Bretagne. Songez à cette petite fille qui meurt à 37 ans, qui n'arrive pas à avoir d'héritier, qui est deux fois reine, qui est vraiment l'objet de convoitises matrimoniales extraordinaires. Elle s'est même mariée avec le futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Et donc il y a une vraie Anne de Bretagne, mais il y a aussi une Anne de Bretagne imaginaire, extraordinaire. C'est la bonne duchesse aux sabots de bois. Mais on le sait maintenant que cette bonne duchesse n'a jamais existé. Les c'est Didier Le Fur qui le dit dans voilà, le livre. Didier Le Fur l'explique très très bien. C'est une sorte d'invention du XIXe siècle où justement on a voulu rechercher je dirais des Jeanne d'Arc version bretonne. Et là, Anne de Bretagne a paru tout à fait idéale. Il y a d'ailleurs plusieurs figures d'Anne de Bretagne. Est-ce que c'est la traîtresse qui s'agenouille justement devant le roi de France? Bien sûr. Ou est-ce que c'est au contraire une sorte de militante de la Bretagne offensive, maîtresse d'elle-même et maîtresse de sa souveraineté? Les historiens demeurent toujours partagés sur cette double identité. Ce qui est fort intéressant quand on vous lit dans vos livres de synthèse, donc que ce soit l'histoire de la Bretagne et des Bretons, Joël Cornet, ou encore ce livre collectif que vous avez dirigé, La Bretagne, une aventure mondiale chez Talendier, c'est qu'on voit, et vous venez d'y insister, mais il faudrait peut-être conclure là-dessus, on voit la floraison de travaux universitaires, l'immense remise en question, pourrait-on dire, des idées reçues du XIXe siècle et de la création justement d'une histoire de la Bretagne. Bretagne, qui est peut-être très très marquée par du folklore et par des idées reçues, justement. Et là, on les remet en cause. Il y a des travaux universitaires partout, dans toutes les universités de Bretagne, qui ont profondément bouleversé la vision qu'on pouvait en avoir. Voilà, et c'est un peu l'ambition, si je vous me permettez cette expression, la synthèse que j'ai écrite, c'est que cette synthèse est nourrie justement de cette recherche neuve depuis les années 1960, des thèses extrêmement importantes. Hein, j'ai parlé de la thèse sur l'État breton de Jean-Pierre Hervé, mais je pourrais évoquer Alain Croix, qui est un de nos plus grands historiens, qui a travaillé sur les registres par Roissio, il a dépouillé 2 millions de ça paraît extraordinaire, hein, de mentions de registres paroissiaux pour reconstituer justement les pulsations de la vie, de l'amour, de la mort, et la mort en Bretagne. Et c'est une thèse remarquable, mais il y en a des quantités d'autres. Hein. Je pense à la thèse de Gauthier Aubert sur le président du Robien, qui est un grand parlementaire du XVIIIe siècle, un homme des Lumières, qui refait d'ailleurs les études historiques sur les menhirs et qui va bouleverser le rapport de l'espace-temps, puisqu'on pensait que la création du monde daté de 6000 ans, mais justement les menhirs bretons prouvent que l'histoire est bien antérieure, et donc sa dynamique d'une certaine manière, les frontières spatio-temporelles du christianisme. Mm-hmm. Donc voilà un exemple, mais je pourrais multiplier, enfin justement mes livres sont nourris justement de ces recherches menées à Brest, à Rennes, à Nantes, et qui je crois ont complètement bouleversé notre vision et notre conception de l'histoire de la Bretagne. Et rendons hommage donc à tous ceux et toutes celles qui ont participé de près ou de loin à ces travaux de renaissance, pourrait-on dire, de l'histoire de la Bretagne, et qu'on peut trouver dans ce grand livre donc collectif que vous avez dirigé, La Bretagne, une aventure mondiale. Donc Joël Cornette, on peut aussi trouver dans le numéro de l'histoire des collections La Bretagne, une aventure mondiale, là encore, la même chose, le temps des mégalithes sur toutes les mers du monde, le mythe du roi Arthur, encore 300 ans de combat, et avec un petit texte de Mona Ozouf dans l'histoire des collections sur la Bretagne, qui est à la fois bretonne et républicaine et française. Et Mona Ozouf qui vous explique donc dans le grand entretien qu'elle accorde à ce livre collectif Talendier, qui explique effectivement la diversité de cette regard sur la politique portée par la Bretagne, puisqu'il peut y avoir des communes qui, à quelques kilomètres les unes des autres, sont totalement blanches d'un côté, totalement républicaines de l'autre, et que cela, c'est la particularité bretonne. Et puis notons aussi la Bretagne révoltée de 1675 et de 2013 au Centre d'Histoire de Bretagne. Et nous aurons fait le tour avec vous, Joël Cornette, en ouverture de cette série d'émissions consacrées à la Bretagne dans la Fabrique de l'Histoire. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Voilà pour cette émission préparée comme d'habitude par Céline Leclerc et par Marion Dupont. À la technique aujourd'hui, Jean-Michel Bernaud. À la réalisation, Séverine Cassard. Demain, nous continuons cette série sur l'histoire de la Bretagne, nous nous intéressons après l'histoire mondiale à l'histoire locale de la Bretagne entre les années 30 et les années 1950 avec Erwan Le Gall et François Prigent. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC.